Bana RDC, Bana Angola, Bana Congo Brazzaville. Boyoga les sélectionneurs de l'équipe nationale des bons musiciens d'Afrique centrale. Papi Yipi, ceux qui n'ont sélectionné été Yebagoza zéro. Ma petit joueur. Basala kili kita, bayokana kibabo mangai, kasi bako kakite, ponazali mwana musombo. Namu luba. Basuko langana po mwana, namu kuwa mokomboso. Moto luna ngama kundate, batafuna pema mina yango, na koko jipinda madele, makila nzoto nangai. Eza pololo, ma petit joueur. Boko kokangaite, je m'appelle Papi Pepi. Jean-Jacques Panda Lios. Boza la champion à compétition à la vie, et la ke loko ya lisekite. Na la mesa na kobi ma vainqueur na be prevenyoso. Lucien! Defete ke la ma ponangaite, bozonge la bantrainement. Bino bafouter, soki li kambo boye biteo. Commandant Masoud. Boza la scène à miso, ba petit joueur. Ma wana bino. Eh bandego, boyoka histoire vraie racontée par papa Wemba. Kuru ya kake mafumbe, kabela banguli soruti. Tango tango nazala kana 3 mètres loin. Makiadi bozala kater. Bazaki na sima. Nazali pe moto ya yambo asangisa. Papa Wemba la cosité sa même angwana. Je l'ai fait Kantani Boma international. N'album nangai ya droit de mai. Ensuite Pena participa na succès à Viva la Musica. Hawana poto boyoka ba chanson union sona koma na Viva la Musica. Na koma Zemboa Marie France, interprété par Redi Amisi Bailo Canto. Stino Mubia Yemba Kunga Nanga Yanga Enda Mon Amour Banzembo Nanga Tukadio Gloria O Suzy Merel Joli Moubiala Ayembe Pele Jouna Janana Fafa de Moloka Ibipoli Ayemba Yemba Ya Joseph Ataki Zenzena de Moukousse Entraîneur des Alaganga Matoubaye Bagango Teni Papa Noël Popolipo sans oublier Bongo Wende Nazui expérience Mobali nanga ya motema na mosala nanga. Ah ouais Pona lingi yango. J'aime la musique, c'est ma drogue. Je suis encadré par le mien. C'est vous les artistes. Touti na bino mosika. J'ai souffert aussi. Na bandi na bino lelo te ote. Ngai papi pepi. Moi nanani papa. Ngai vraiment. Yama Simba Julienne. Hey, a koko di pinda. Moi si yo sala ponga na sala. Koko kanga il faut bo manano ye. Mais jamais. Toleka. Kilanda moko Bruno Celio Kopona na papi pepi eswa kabino na mitema. Ah ouais lokola na sala kabanzembo oye sala ka succès fote na ngate na mwana na moto te matimba Juliana yebi de paskondinga shikito mushashino motema na ngaye sena bana kibokolo bana ngani nye ba peti una hola. Sans salir, président Kipoli Kikufi, Polidoro ne maja polengambe. Saki amone lingano kolando michuri. Bope selani na ye mbote. Dike si mfumu pasi mama Miche. Bruno Matadi Jojo Mukuna. Mapeti nanga Pablo Tsolani. Polino Kitenge Alain Koutoula, Motema Nanga, Gigi Kakatuku, Rajungoma SFR. Dijano, le grand guerrier de Bruxelles. Maman Fifi, Justin Vetoquet. Oh, ton amphoto. Tobele la ba grand joueur. Ege to yeye, Henri papa ki tata. Maake manaja cha chochombe avijana. Nikonza ungu, adishi mongombe. Alex Fumusi. Bendele hymne national. Bondi ya Angola. Machuda Mandangi. Le full boss 3 étoiles. Dani Dende. Real de Madrid. Dona Monica. La première dame d'Angola. Tony Iloka Bongo. Ino Ilanga. Le responsable de la beauté congolaise. Rufin Malenga. Le combattant du feu. Ministre Toyota, Freddy Kibanda, Mélanie Sakala. Badoye à Paris Boyoka, Jacques Moussambote, commandant Jean-Sué Léo, Jobi Poké Namorta, Gunter Soukambundu, Chababe Anga, Grigo Luboa, Ya Ome Lambwaki, Ya Mape Mapino, Kulutu Dido. Abbé Mitterrand, héritier Scramerwell. Kimski Matabolo, Gipoli Kikoufi, Beda Bongumba, Anton Masolo Kele, Elisa Makengo, Wakumbenga, Papi Ipepi Junior, Nokolandu Samuel, François Masuki, Didis Lukenga. Oh non, c'est l'imbambe, Pichu Bidumba, c'est que Mbuku le vrai, Medasulu Julien, Antonio Kibokolo, Nachek, Fililu Keba. Mère Malunanga, Nalela Ndenge Nini, Papa Wemba Tozangi, Malena Sele le roi, Chantal et Sanuku, Kamba Kamusuna, Servo Seigneur Kose, Na Americano. Et mené à ma voix. Mokolo banana ninye, va petit joueur. Kouta wapie, va garçon sans salir. Namouvre ma rose à la kateo. Ilongye ye banakateo. Yango potonae, mide malikundu. Allez, roi David, sagana na bango, papa.